La chance a tourné dans ta vie, des amours, du bon, du mauvais côté. Ce que tu t'étais juré n'est jamais, jamais arrivé. Les chaleurs d'été et les neiges de l'hiver sont toujours, toujours passées. Sans que j'ai jamais trouvé plus d'un conseil à te donner. Les chaleurs d'été.